comme d'habitude, les frères qui sont adossés au mur, qui se rapprochent, Inch'Allah, sauf ceux qui sont malades. On avait vu que la sunna, que les compagnons dans le Maranahoum, lorsque le prophète Ardem les exhortait, ils s'approchaient le plus possible de lui. Ils mettaient le plus proche du prophète Ardem. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc nous continuons inshallah tabarak wa ta'ala notre lecture ainsi que les quelques commentaires sur le livre intitulé Al-Wajid fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz du Cheikh Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Avant de commencer le résumé des cours, du cours de la semaine dernière, je vous avais promis de faire une recherche concernant le hadith du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Aïcha radiallahu anha, où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dit Rufi'a al-qalamu an thalata, an il-na'imi hatta yastayqib, wa an il-sagiri hatta yakbur, wa an il-majnuni hatta ya'qil aw yufiq. Hadith rawahu Ahmad wal-arba'a illa al-Tirmidhi. Le hadith du prophète alayhi sallam dit la plume est levée sur trois personnes, sur celui qui dort jusqu'au moment où il se réveille, sur le petit jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, ou dans une autre version jusqu'à ce qu'il grandisse, et le qalam, la plume, est également levée sur le fou ou celui qui est possédé jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Et on avait justement, je devais faire une recherche sur quels sont les signes qui permettent de dire qu'une personne a atteint l'âge de la puberté. Les savants ont donné l'explication de ce hadith en disant qu'il y a trois signes pour l'homme qui permettent de définir ou de reconnaître qu'il a atteint l'âge de la puberté. Le premier signe qui est la sortie du sperme avec sensation de plaisir, khurujul mani bi shahwa, et ceci pour l'homme comme pour la femme. Donc c'est un des premiers signes. Le second signe, nabatu sha'ri al-ana, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est l'apparition des poils autour du pubis, Et d'autres savants comme Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah disent, et parmi aussi les poils qui permettent, ou lorsqu'ils poussent, permettent de considérer une personne comme étant pubère, c'est les poils de la moustache pour l'homme. Lorsque la moustache commence à pousser chez l'homme, il est considéré comme étant pubère. Et le troisième signe, tamamu khamsata ashara sana, le fait d'atteindre l'âge de 15 ans. Une personne qui atteint l'âge de 15 ans, même si aucun des signes précédemment cités n'est révélé sur lui, que ce soit un homme ou une femme, cette personne devient pubère. La preuve que la personne qui atteint l'âge de 15 ans est pubère, c'est la parole d'Ibn Omar radiallahu anhu, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, qui dit qu'il s'est présenté au prophète alayhi sallam pour combattre le jour de la bataille de Khandaq, la bataille de la tranchée. On avait parlé de la bataille de la tranchée la semaine dernière. Et le prophète alayhi sallam ne lui a pas autorisé à combattre. Et Ibn Omar radiallahu anhu dit, à cette époque ou cette année, J'avais 14 ans. Afwan, Ibn Omar, radiallahu, à l'âge de 14 ans, il s'est présenté au prophète alayhi sallam pour combattre dans une des batailles et le prophète alayhi sallam ne lui a pas autorisé. Et Yom al-Khandaq, le jour de la bataille de la tranchée, Ibn Omar radiallahu anhu dit: j'avais 15 ans et je me suis présenté au prophète alayhi sallam, fa'ajazani, et il m'a autorisé de combattre. Et l'autre preuve est la parole de Nafi' radiallahu anhu qui dit: je suis parti voir Omar ibn Abdul Aziz, qui à l'époque était le calife des musulmans, et je lui ai cité ce hadith, le hadith d'Ibn Omar radiallahu anhu. Et Omar ibn Abdul Aziz lui a répondu: inna hadha al-hadd bayna al-saghir wa al-kabir, c'est la limite entre le petit et le grand, c'est la limite entre le petit et le grand. L'âge des 15 ans est l'âge qui délimite le petit du grand. Et Omar ibn Abdul Aziz a écrit à ses émissaires, à ceux qui étaient sous son commandement de part et d'autre des pays musulmans, et leur a ordonné d'ordonner à ceux qui ont 15 ans de combattre si combat il y a. Et ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans, وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَجْعَلُوهُ فِي الْعِيَادِ, et tous ceux qui ont moins de 15 ans, considérez-les ou dites-leur d'aller avec les femmes et les vieux, avec les femmes et les enfants. Et cette parole de Omar ibn Abdul Aziz est rapportée dans Al-Bukhari et Muslim. Et la quatrième condition, le quatrième signe concernant les femmes uniquement, c'est que la femme, l'apparition des menstrues pour elle. Lorsque les menstrues apparaissent chez la femme, même si elle a moins de 15 ans. Même si elle a moins de 15 ans. Donc ce sont les signes qui permettent à la personne, lorsqu'il les voit, lorsqu'il les relève, lorsqu'il les constate, il doit se considérer comme étant pubère. Vous avez saisi ? C'est clair ? Et quant à la preuve, Dalil ou ala inbat, la preuve que la personne, lorsque les poils apparaissent, que la personne devient pubère, c'est le hadith de Atiyya al-Quradi. يدين عرضنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. حديث عطية القرضي يدين que nous avons qu'il a été exposé au prophète عليه الصلاة والسلام le jour de la bataille de قريضة des personnes, يعني des soldats, et le prophète عليه الصلاة والسلام ordonnait à ceux qui avaient des poils qui étaient apparents qu'ils soient tués, et ceux qui n'avaient pas de poils apparents qu'ils soient épargnés. Et Atiyya al-Quradi dit: فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يَنْبُتْ فَخُلْيَ سَبِيلِ, et je faisais partie de ceux qui n'avaient pas de poils apparents et j'ai été épargné. Autrement dit, le prophète al-Sallam, lorsqu'il ne voyait pas de poils apparents chez une personne, chez un homme, il considérait cette personne comme étant non pubère, donc un enfant, donc ne pas le tuer. En temps de guerre, il est interdit de tuer les femmes, les vieux et les enfants. Même si c'est une guerre des plus grandes guerres, des plus rudes, etc., il est interdit en islam de tuer les femmes, de tuer les vieillards et de tuer les enfants. Donc ça c'était concernant les signes qui permettent de reconnaître une personne qui permet de reconnaître l'état de puberté. Enfin, concernant le cours de la semaine dernière, on avait commencé par parler de Salat al-Wusta, la prière médiane ou la prière du milieu. Quelle est-elle? La Asr. La preuve? Naam. Naam. Ça, c'est la preuve de la nomination de Salat al-Wusta. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Allah subhanahu wa ta'ala dit: préservez ou prenez soin des prières et de la prière médiane. Mais dans ce hadith, dans ce verset, il n'y a pas la preuve que la salat al-wusta c'est salat al-asr. Naam, bachir. يوم الأحزاب قال النبي عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى والصلاة العصر. نعم. ملأ الله قبورهم وبيوتهم وقبورهم نارا. أحسن. La preuve, le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, hadith rapporté par Muslim, où le prophète عليه الصلاة والسلام a dit يوم الأحزاب, le jour de la bataille de l'Ahzab, qui est la bataille de la tranchée, ملأ الله قلوبهم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. Ils nous ont préoccupés sur la prière du milieu, la prière de Al-Asr. Le prophète sallam a clairement signifié que Salat al-Wusta, la prière médiane, était la prière d'Al-Asr. Et ensuite, on avait parlé du fait qu'il était préférable d'accomplir la prière de Dhuha au début de son heure. Quelle est la preuve? Certaines? La preuve est le hadith du prophète sallam. Le hadith de Jabir ibn Samura qui dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا حين إذا ضحضت الشمس, lorsque le soleil commençait son déclin, lorsqu'il commençait son déclin. Dahaba, c'est-à-dire lorsqu'il commence le déclin, lorsque le soleil commence son déclin, c'est-à-dire juste après qu'il ait dépassé le zénith, autrement dit au début de son heure. On avait dit que cela était, qu'il était préférable de ravancer ou de faire la prière de Dhuha au début de son heure, sauf quand il fait très chaud, car le prophète a dit d'ashtad al-har fa abridu bis-salah fa inna shiddat al-har min fih jahannam. Le prophète a dit lorsque la chaleur est grande, abridu bis-salah. Qu'est-ce que veut dire abridu bis-salah? Mais autre chose, abrido, c'est-à-dire reculer, mais jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse. Abrada min barada, le fait de rafraîchir. Akhiru salah, c'est-à-dire retarder la prière jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse. Fa inna shiddat al-har min fihi jahannam. On avait dit, fihi jahannam, c'était le souffle de jahannam. On avait aussi parlé qu'il était préférable de ravancer, de faire Salat al-Asr au début de son heure. Quelle est la preuve? Allez. Qui est parti dans une autre ville? C'est sûr que c'est le prophète qui est parti dans une autre ville. C'est sûr. Moi, il continue. Non, ça c'est la deuxième partie du hadith. Mais la première partie du hadith, c'est qui connaît la première partie du hadith? Le frère a cité, a dit la preuve c'est que au temps du prophète sallam, une personne qui allait à l'Awadi, qui est une des régions environnantes de Médine, lorsqu'il partait à l'Awadi, on avait dit l'Awadi c'était distant d'à peu près 6 km, et lorsqu'il revenait, le soleil était encore haut dans le ciel. Autrement dit, ils avaient pris l'Asr, que lorsque l'un d'entre eux lorsqu'il arrivait à l'Awali, le soleil était encore haut dans le ciel, c'est-à-dire que l'Asr avait été fait au début de son heure. Donc il y avait la première partie du hadith qui est والشمس مرتفعة حية. نعم. والشمس مرتفعة حية. لقول النبي في حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. Et le soleil était élevé et vif, c'est-à-dire qu'il était blanc et qu'on sentait la chaleur. Autrement dit, juste après le début de son heure. Ensuite, on avait parlé du péché de celui qui délaisse ou qui accomplit la prière de l'Asr après son heure. On a cité deux hadiths. Il y avait un hadith sur le sens où on disait que la personne qui a raté l'Asr, elle avait perdu et ses biens et sa famille. Elle avait perdu, c'est comme si elle avait perdu ses biens et sa famille. Donc le premier hadith est où le prophète a dit Man fatatu salat al-Asr fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Celui qui a raté la prière de l'Asr, c'est-à-dire qu'il l'a fait en dehors de son heure, c'est comme s'il avait perdu ses biens et sa famille. On avait expliqué un peu le sens du hadith. Les biens, c'est-à-dire tout ce qu'il possède, qui se retrouve sans rien en possession, et ni famille qui puisse le soutenir et l'aider à surmonter cette perdition. Donc on avait montré que ce hadith du prophète sallam montrait la gravité de celui qui délaisse la prière de l'Asr et l'accomplit après son verre. Et le deuxième hadith qu'on avait cité, qui était encore plus effrayant, dit que la personne qui a raté l'Asr, ses actions sont suspendues. Où le prophète sallam a dit Man taraka salat al-Asr faqad habita 'amalu. Le prophète sallam a dit celui qui délaisse la prière de l'Asr, ses actions sont suspendues. On avait donné deux explications des savants de ce hadith. Même par ces avants qui disent que carrément ils l'ont fait sortir de l'islam. Oui. Certains savants ont dit que c'est celui qui a raté l'Asr, il a fait exprès. Et, oui, il est sorti de l'islam parce que le prophète a fait une yahabata à Allah. Parmi sur la famille qui dit que c'est juste dans la journée. Donc il y avait trois explications des savants. La première explication était l'explication de Jumhur, le Ulama, qui disent que le prophète a voulu dire ce hadith pour faire peur, et qu'en aucun cas il ne pensait le fait que l'Asr annulait, le fait de délaisser l'Asr à son heure ou de la faire après son heure annulait les actes. D'accord. D'autres savants ont considéré le hadith du prophète comme étant véridique et que le prophète a bien voulu dire par cela que ses actes sont suspendus. Or, ce qui suspend les actes, c'est la mécréance. Et certains savants ont utilisé ce hadith pour prouver que celui qui délaisse la prière de l'Asr volontairement après son heure, il devient, wal'iyadu billah, mécréant pour cela. Et d'autres savants comme Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit que les actes de ce jour où il a délaissé la prière, les actes de ce jour sont suspendus. C'est-à-dire suspendus, qui ne sont pas acceptés et sont annulés. S'il a fait je ne sais combien d'actes pieux ce jour-là, s'il a délaissé la prière de l'Asr à son heure, tout ce qu'il a pu faire comme bonne action ne sont pas considérés comme bonnes et sont annulés d'office. Ça, c'est l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Ensuite, on avait parlé du péché de celui qui délaisse ou qui retarde la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil jaunisse. On avait cité un hadith du prophète sallam. Qui s'en rappelle? Là, le prophète dit qu'il casse pas la monnaie. D'accord. Il y a juste Yaqub al-Shams, Hatta il a kana, Bena Karn al-Shaytan, Anqaraha. Qamat anqaraha. Qamat anqaraha. Oulem yadkur Allah illa qalib. Là, barakallahu fik. Donc la preuve, le hadith qui montre qu'il est interdit de retarder la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil devienne jaunâtre, et le hadith du prophète qui dit il kasaratul munafiq. C'est la prière de l'hypocrite. Il s'assoit et scrute le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les cornes du diable. Et la semaine dernière, Bayna Qarnay Shaytan, parce que j'avais regardé l'explication des savants de quel est Masrar Meshaytan, il y a beaucoup d'explications, beaucoup de ta'wilat des savants. Beaucoup d'interprétations de kalimat bayna qarna et shaytan. Certains savants ont dit que c'est aqran shaytan, c'est-à-dire sa troupe, son élite. D'autres savants ont dit que c'était les deux extrémités de sa tête. Et d'autres savants ont apporté d'autres explications. Et la semaine dernière, je vous avais dit que bayna qarna et shaytan, c'était les deux extrémités de la tête du diable. Mais entre-temps, j'ai regardé dans l'explication de Sunan Nasa'i de l'imam al-Suyuti rahimahullah, qui dit que bayna qarnay shaytan, entre, si on traduit textuellement, c'est entre les cornes du diable. Si on traduit textuellement bayna qarnay shaytan, qarnay qui veut dire les deux cornes, jusqu'à ce que le soleil soit entre les deux cornes du diable. Et l'imam al-Suyuti rahimahullah a donné une explication et une parole qui est très vraie et qui apaise le cœur. C'est que dans les hadiths du prophète sallam, où il nous parle de choses en rapport avec l'invisible, comme ici Qarnay Shaytan, les deux cornes du diable, ou comme un autre hadith du prophète sallam, lorsqu'il interdit de prier, on va le citer après, lorsque le soleil est au zénith, car c'est le moment où lorsque l'enfer est le plus chaud, lorsque l'enfer est chauffé au maximum. Et l'imam Suyuti rahimahullah dit que tous ces faits qui nous rapportent ces informations concernant les choses invisibles, il faut les prendre comme elles nous sont venues. Lorsque le prophète dit bayna qarni shaytan, il n'est pas bon de commencer à faire des interprétations de ces choses. Le prophète a dit hatta idha kanat bayna qarni shaytan, le prophète a dit bayna qarni shaytan, entre les cornes du diable, nous devons croire que le diable a deux cornes et que le soleil se lève et se couche entre les cornes du diable. D'accord? Ensuite, rentrer dans les interprétations, les cornes du diable ne signifie pas les cornes, mais signifie entre les extrémités de la tête du diable, ou signifie son élite, sa troupe, ou signifie autre chose. Et le mieux, le plus juste et le plus proche de la vérité, Inch'Allah, c'est de prendre ces informations du Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme elles nous sont parvenues. Donc, la semaine dernière, j'avais dit entre les extrémités de la tête du diable, je reviens sur cette parole, et je dis comme a dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire entre les cornes du diable. Donc le diable a bel et bien des cornes et le musulman se doit de croire en cela. Donc le prophète a dit, il scrute le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les deux cornes du diable. Il se lève et prie cette prière comme le prophète l'a comparé à un oiseau qui picote le sol ou qui mange des bêtes présentes sur le sol. Et qui picote rapidement. Le prophète a comparé cette prière que cette personne fait rapidement comme un oiseau qui picote le sol. On a aussi parlé de qu'il était préférable de raccourcir, de faire Salat al-Maghrib au début de son heure. Quelle est la preuve? Là. Là. Ah, d'accord. La preuve est de Hadith du Prophète sallam, la tazalu ummati bi khayr ma lam yu'akhkhiru salat al-maghrib hatta tashtabika an-nujum. Ma communauté ne cessera d'être dans le bien, et dans notre version à la fitra, dans la fitra, tant qu'ils ne retarderont pas la prière du maghrib jusqu'à ce que les étoiles se mélangent. On avait expliqué l'explication de cela. Qui connaît hatta tashtabika an-nujum? Jusqu'à qu'elles apparaissent, et jusqu'à ce qu'elles soient visibles, et par leur quantité, on a l'impression qu'elles se mélangent les unes les autres. Et quand est-ce que les étoiles apparaissent? Lorsqu'il fait nuit, lorsque le ciel est sombre, autrement dit, jusqu'à ce que l'heure du maghrib approche de la fin. Et le prophète sallam a dit la tazalou mati bi khayr. Ma lam yu'akhkhiru al-maghrib ma ila aw hatta tashtabika an-nujum. Et le prophète a dit que notre communauté sera dans le bien et dans la fitra tant qu'ils ne retarderont pas la prière de maghrib jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Autrement dit, ma communauté ne cessera dans le bien tant qu'ils feront la prière du maghrib au début de son heure. Non. On avait aussi parlé de qu'il était préférable istihbabu ta'khir al-isha. Concernant la prière de l'isha, on avait dit qu'il était préférable de la retarder. Quelle est la preuve? Il y a un jour, le prophète a dit qu'il est parti tard. C'est ça que les sahaba dans la mosquée sont endormis. Et il a fait salat, dans sa salat, il a parlé, il a dit que si j'avais été peur pour ma oumma, j'aurais ordonné de faire salat à cette personne. La preuve est le hadith où le prophète est sorti une fois de la mosquée, est sorti une fois de chez lui très tard, et les gens l'attendaient à la mosquée car la maison du prophète était collée à la mosquée, et le prophète était sorti tard de sa maison pour présider la prière jusqu'à ce que les gens à la mosquée dormaient. Et le prophète, lorsqu'il est sorti, a dit innahu la waqtuha lawla an ashqa ala ummati, c'est son heure. C'est l'heure à laquelle il est préférable de faire l'Isha si ce n'était une contrainte pour ma communauté. On avait aussi parlé du fait qu'il était déconseillé de dormir avant et de parler après Salat al-Isha. On avait dit qu'il était autorisé de parler après l'Isha lorsque la personne avait la nécessité, lorsqu'il y avait une nécessité à cela. Les frères qui ont apporté pour couper les sonneries, et les sonneries avec musique, il faut les effacer carrément. C'est pas les. Il y a celui qui a son portable qui l'éteigne, et celui qui a mis de la musique comme sonnerie, qui l'enlève et qui met un bip ou qui met une autre chose autorisée par la religion. فيدخل المؤلف في استحباب التذكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. حديث متفق عليه. Ensuite, le cheikh dit qu'il est préférable, istihbab ou tadkir bil subh fi awwal waqtiha, qu'il est préférable de faire la prière de subh au début de son heure, qui est appelée at-taghlis. Selon Aisha radiallahu anha, elle a dit: les femmes croyantes au temps du prophète alayhi salatu wassalam assistaient à la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mutalaffi'atin bimurutihim. أي مستترات وجوههن وأبدانهن متلفعات بمروطهن، c'est-à-dire qu'elles se couvrent le visage et le corps. Et le murut, c'est un habit connu qui est un habit que portent les femmes au temps du prophète عليه الصلاة والسلام. ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. Puis elles retournent chez elles après avoir accompli la prière. Personne ne les reconnaissait à cause de Al-Ghalas. Al-Ghalas, les savants ont dit, huwa baqaya zulmatul layl. C'est le reste des ténèbres de la nuit. Et d'autres savants ont dit, huwa ikhtilatu diya'i subh bi zulmatil layl. D'autres savants ont dit, Al-Ghalas, c'est le mélange entre la lumière du subh et les ténèbres de la nuit. Yani c'est un moment où ni il fait nuit ni il fait jour, mais c'est un mélange entre les deux. Et dans le hadith, la ya'rifuhunna ahad min al-ghalas, personne ne les reconnaissait, c'est-à-dire ne reconnaissait ces femmes min al-ghalas, car il faisait sombre. Et on comprend du hadith que ce qui fait ou ce qui a fait que les femmes, lorsqu'elles sortaient, on ne les reconnaissait pas, c'était la nuit qu'il faisait, et non pas le fait qu'elle portait al-murut. Car on a dit al-murut mutalaffi'at bi-murutihin, ça signifie que les femmes se couvraient le visage et le corps. Parce que certains savants ont compris cela. On dit qu'il n'était pas reconnaissable. Pourquoi? Car elle portait al-murut, elle se couvrait le visage et le corps. Donc c'est pour cela que personne ne les reconnaissait. Et la plupart des savants ont dit non, elles n'étaient pas reconnaissables car il faisait nuit encore. Et c'était Al-Ghalas, pas la nuit mais Al-Ghalas, entre la nuit et le jour. Autrement dit, que le prophète alayhi salam faisait salat al-subh au début de son heure. Au début de son heure, et lorsque les femmes accomplissaient la prière avec le prophète et qu'elles partaient, les femmes étaient les premières à partir, ils ne les reconnaissaient pas à cause de Al-Ghalas. يقول المؤلف: متى يكون مدركا للوقت؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. Et juste une remarque, une explication, une remarque que le Hafid ibn Hajar rahimahullah a donné à ce hadith. قال الحافظ في الحديث: استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت. Donc la première chose que le Hafid ibn Hajar a retenu de ce hadith, c'est qu'il est préférable de s'empresser à faire la prière du subh au début de son heure. وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل. Et qu'il est autorisé aux femmes de sortir à la mosquée pour accomplir la prière du Fajr même lorsqu'il fait nuit. ويؤخذ عنه جوازه في النهار من باب أولى. Et il est encore plus autorisé à la femme d'assister aux prières le jour. puisqu'il aurait autorisé d'y assister la nuit lors de Sobh, il aurait encore plus autorisé d'assister aux prières le jour. Là. D'après tous les hadiths qu'on entend du prophète Hassan, on voit que les femmes ont assisté aux prières quotidiennes. Yeah. Mais comment ça fait que les ulama disent que la prière de la femme est ahsan fil bayt? C'est le problème d'Hassan qui a dit. Ah, c'est le problème d'Hassan qui a dit. Et Ali, là, on a dit il est autorisé à la femme d'assister, aux mosquées à la prière. Pourquoi? Parce que le prophète a dit dans un hadith: La tamna'u ima Allahi masajid Allah. N'interdisez pas aux serviteuses d'Allah d'assister ou de se rendre dans les mosquées d'Allah. Wa buyutuhunna khayrun lahum. Mais leur maison est meilleure pour elles. Dans ce hadith, il y a deux choses. L'autorisation pour la femme d'aller d'assister à la prière à la mosquée. Mais dans le hadith, il y a aussi le fait qu'il est préférable. Il est préférable à la femme de faire la prière chez elle. Mais il nous est interdit à nous les hommes d'interdire aux femmes d'assister, d'accomplir les prières à la mosquée. ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة. الحافظ ابن حجر قال: et tout ceci bien sûr lorsque les femmes peuvent sortir sans crainte et lorsqu'il n'y a pas de fitna. À partir du moment où il y a un danger dehors, où il y a un danger potentiel, où il y a une fitna pour les femmes à l'extérieur, dans ce cas, il ne leur est pas autorisé d'assister aux prières à la mosquée. يقول المؤلف متى يكون مدركا للوقت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وليس هذا الحكم خاصا بالصبح والعصر وإنما هو عام في كل صلاة. Quand est-ce que la personne a accompli la prière ou a rattrapé la prière? Quand est-ce que la personne a fait la prière à son heure? Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui man adraka, je ne sais pas comment le traduire, celui qui rattrape de la prière de Subh. Moi, tu sais qu'il a ta âme. Allez, on peut comprendre de différentes façons. Allez, celui qui est Adraka, celui qui arrive à atteindre. Celui qui arrive à atteindre la prière de l'âme. Une prière. Man Adraka, celui qui atteint de la prière de Subh une raka'a avant que le soleil ne se lève. Il a alors atteint un sobh. Il a alors rattrapé un sobh. Et celui qui atteint une raka'at de la prière de l'Asr avant que le soleil ne se couche, il a alors atteint l'Asr. Le mot atteint, il est approprié. وليس هذا الحكم خاصا بالصبح والعصر وإنما هو عام في كل صلاة. Et le cheikh dit, et ceci n'est pas propre à la prière de Subh ou de l'Asr, mais il englobe toutes les prières. Hadith de Abu Hurayra radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui atteint de la prière de Subh une raka'a. Une raka'a, c'est-à-dire avec ses deux sujouds. Cheikh ibn Uthaymin dit: Aïe بسجدتيها وليس المراد الركوع. Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est-à-dire celui qui accomplit une raka'a avec ses deux prosternations. Et le mot raka'a ici ne veut pas dire inclinaison, mais il veut dire la raka'a dans sa totalité. المراد الركعة الكاملة قبل أن تطلع الشمس. Donc celui qui atteint de la prière de Subh une raka'a avant que le soleil ne se lève. Avant que le soleil ne se lève, c'est-à-dire quand est-ce qu'on considère que le soleil est levé? Quand on voit le disque solaire. Lorsqu'on voit le disque solaire, c'est-à-dire tu peux voir le début, le milieu, la fin, tu peux voir le début. قبل أن تطلع الشمس, les savants ont dit: إذا تبين قرن الشمس الأعلى. lorsque la partie supérieure du disque solaire apparaît. Lorsque la partie supérieure du disque solaire, apparaît, dans ce cas, le soleil est considéré comme levé. فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ. Il a alors atteint la prière, c'est-à-dire qu'il a fait le reste de la prière, qu'il l'a accompli, qu'il l'a fait en son heure. Or, celui qui commence à faire une raka'a et pendant la deuxième raka'a, le soleil est levé. Quand on regarde sa prière, la première raka'a, il l'a fait à l'heure, mais la deuxième, il ne l'a pas fait à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération ? La première raka'a. À partir du moment où il a fait la première raka'a à l'heure, même si la deuxième, il l'a accompli hors de l'heure de sobh, le prophète a dit فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ. Il a fait un sobh. On comprend de Charles Al-Athaymin que ce n'est pas simplement le recours quand on dit Sami Allah ou l'Iman Hamida. Il faut qu'il fasse deux fois ce sujoud et qu'il te relève. Il faut faire une raka'a entière. Ouais, avec les deux sujouds. Avec les deux sujouds. Là, tu as attrapé. Si, par exemple, si, recours, si le soleil s'est levé alors que toi tu es en train de faire un cours ou une sajda, tu n'as pas atteint un sobh. Il faut faire une raka'a kamila. Cheikh Al-Athaymin dit raka'a al-kamila. D'autres savants ont dit ce qui est pris en considération, c'est takbirat al-ihram. D'autres savants ont dit à partir du moment où tu as fait takbirat al-ihram à l'heure, le reste de la prière est accepté. Mais c'est un avis qui est marjouh. Pourquoi quand le Prophète dit fan adraka raka'atan? Le Prophète a dit raka'atan. D'accord? C'est une chose bien précise. Mais certains savants disent que takbirat al-ihram suffit, et l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que la personne doit au minimum accomplir une raka'a entière pendant l'heure légitime. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ. Et celui qui atteint une raka'a de la prière de l'Asr avant que le soleil ne se couche. Qu'est-ce que ça veut dire avant que le soleil ne se couche? قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسِ. Dès que le soleil est entier, en fait. C'est-à-dire dès que la partie supérieure du disque solaire disparaît. Parce que certains peuvent dire lorsque la partie inférieure du disque disparaît. Non, c'est lorsque la partie supérieure du disque solaire disparaît, lorsqu'on ne voit plus le soleil. On avait parlé que l'Asr, il y avait deux horaires. Il y avait l'heure autorisée et il y avait l'heure où on devait faire l'Asr qu'en cas de nécessité, qu'en cas de force majeure. On a dit que l'Asr, il y avait l'Asr al-Ittirari, qui est de l'Ittirar al-Shams, du moment où le soleil devient jaunâtre jusqu'au coucher du soleil. D'accord ? Mais là, le Prophète Salem, dans ce hadith, on peut dire par exemple celui qui a dormi. Celui qui a dormi et s'est réveillé. D'accord ? Ou celui par exemple qui a retardé Al-Asr pour une cause légitime. D'accord ? Pour une darura. Un cas de force majeure qui l'a retardé ou qui lui a retardé la prière jusqu'à ce que le soleil s'approche du coucher. Mais le fait que le Prophète ait dit ce hadith, ça ne veut pas dire qu'il est autorisé de retarder la prière de l'Asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Non. Mais au contraire, on dit de ce hadith que l'heure de l'Asr, elle va jusqu'au coucher du soleil. Et ça, on l'avait dit. Al-Asr, c'est du moment où le soleil jaunit, ou à partir du moment où l'ombre de la chose est égal à la hauteur de cette même chose jusqu'au moment du coucher. Et que ce temps-là, il se divise en deux. Il y a un temps qui est autorisé où on doit faire la prière et un temps où vraiment on ne fait la prière que lorsqu'il y a un cas de force majeure. Quelle lueur? La lumière, tu la vois? On avait parlé de Shafaq al-Ahmar. La lumière, tu la vois du soleil. Alors que le soleil est couché. L'heure du Maghrib, quand est-ce que l'heure du Maghrib commence? Elle commence lorsque le soleil se couche. Mais lorsque le soleil se couche, l'heure du Maghrib, il y a encore de la lumière. Il fait encore jour dehors. Il fait encore jour ou pas? Le Maghrib, ça y fait nuit. Non, il y a encore de la lumière. Non, il ne faut pas toucher la lumière, il faut toucher au soleil. Après, si tu ne peux pas le voir, Allah a'lam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني نذكر حديث في جنرال حديث أبي هريرة رضي الله عنه رابورتي بار البخاري ومسلم والبروفيت صلى الله عليه وسلم قال celui qui atteint une raka'a de la prière alors atteint la prière. قضاء الفوائد عن أنس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. حديث صحيح رواه مسلم. Le fait de rattraper les prières manquées. Selon Anas رضي الله عنه qui dit l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit celui qui a oublié une prière ou a dormi pendant celle-ci, son expiation est de la prier lorsqu'il s'en souvient. Hadith authentique rapporté par Muslim. ثم يقول المؤلف هل يقضي من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها؟ قال ابن حزم رحمه الله في المحلى إن الله تعالى جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين يدخل في حين محدود ويبطل في وقت محدود فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها بعد وقتها لأن كليهما صلي في غير الوقت وأيضا فإن القضاء إيجاب شرع والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك ولا نسياه ولا تعمد اعتناتنا بترك بيانه وما كان ربك نسيا وكل شريعة لم يأتي بها القرآن والسنة فهي باطل. انتهى. Ensuite, la question qui se pose, est-ce que celui qui délaisse la prière volontairement jusqu'à ce que son heure sort, est-ce qu'il lui est autorisé de rattraper cette prière? Al-Imam Ibn Hazm, rahimahullah, a dit dans son livre Al-Muhalla, Allah subhanahu wa ta'ala a défini pour chaque prière obligatoire un temps bien défini. Un temps bien défini des deux côtés, c'est-à-dire le temps du début et le temps de la fin. يَدْخُلُ فِي حِينٍ مَحْدُودٍ وَيَبْطُلُ فِي وَقْتٍ مَحْدُودٍ. Chaque prière a un temps bien défini, une heure dans laquelle elle entre, une heure bien définie, et elle sort dans une heure bien définie. Il n'y a pas de différence entre celui qui prie avant ou celui qui prie après l'heure, car dans les deux cas la prière a été faite en dehors de son heure. Wa ayban, et donc comme Allah subhanahu wa ta'ala a défini l'entrée et la sortie, les heures d'entrée et de sortie des prières, il a également défini le fait de la rattraper. Et le fait de rattraper une prière, c'est quelque chose de légiféré, et seul Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir de légiférer via le prophète alayhi salatu wassalam, selon ou par les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Et si le fait de rattraper pour celui qui a délaissé une prière volontairement était légiféré, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas oublié et n'aurait pas manqué de nous le signaler. Et il a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, et ton Seigneur n'oublie pas, et ton Seigneur n'oublie pas. وَكُلُّ شَرِيعَةٍ لَمْ يَأْتِ بِهَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةِ فَهِيَ بَاطِلٌ, et toute législation qui n'a pas de source le Coran et la Sunna, c'est une législation qui est nul et qui n'a aucune valeur. On comprend de la parole de l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala légifère. Comme il a légiféré les heures de prière, il a légiféré le fait de rattraper les prières. Or, il n'y a aucun verset, aucun hadith du prophète alayhi sallam qui légifère à la personne qui a délaissé une prière volontairement jusqu'à ce que son heure sorte de rattraper. Le prophète alayhi sallam a dit « Man nasiya salatan aw nama anha » Le prophète Hassan a dit, celui qui oublie une prière ou qui dort pendant cette prière, qu'il la fasse ou qu'il la prie au moment où il s'en rappelle. Et les savants ont dit, le prophète Hassan a dit, Man nasiya salatan aw nama anha. Celui qui oublie une prière ou celui qui dort pendant une prière, c'est lui à qui l'islam, à qui Allah a légiféré de rattraper la prière. Quant à celui qui a délaissé une prière volontairement, sans l'avoir oublié, ni l'avoir dormi pendant cette prière, il ne lui est pas légiféré de rattraper cette prière. Et à cette prière, il n'a même pas besoin de la faire, elle n'est pas acceptée d'office. C'est ce que les savants disent. Et Inch'Allah, c'est l'avis le plus sûr. C'est que une personne qui délaisse une prière volontairement, il n'a même pas besoin de la refaire. L'islam ne lui demande même pas de la rattraper, car d'office, elle est refusée. D'office, elle est nulle. Et d'autres savants disent qu'il lui est autorisé de la faire pour sa conscience. Pour sa conscience. De la faire, et Ani, il a fait, mais c'est très bien qu'elle n'est pas acceptée, il l'a fait quand même pour sa conscience. Mais, comme l'imam Ibn Hazm a dit, toute législation qui n'est pas apportée par le Coran ou par la Sunna du Prophète, elle est nulle et ne doit pas être prise en considération. Donc cela nous montre l'importance que l'on doit donner à la prière et de la faire à son heure, et qu'il est interdit et qu'il fait partie des grands péchés, des plus grands péchés après le shirk. On avait dit le plus grand péché après le shirk, c'est de délaisser la prière. Le plus grand péché après le shirk, c'est de délaisser la prière. Qu'Allah nous en préserve. Al-awqat التي نهي عن الصلاة فيها عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب حديث صحيح رواه ابن ماجة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. Les heures dans lesquelles il est interdit de faire la prière. Selon Uqba ibn Amir, qu'Allah l'a agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois heures. Et le terme heure, sa'at, dans ce hadith, ne signifie pas les 60 minutes que l'on connaît. Sa'at, c'est un laps de temps. En arabe, sa'at, c'est un laps de temps, qu'il soit court ou long. Un laps de temps, en arabe, ça s'appelle sa'at. Et le prophète, alayhi wa sallam, a dit, salatu sa'atin, trois heures. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit d'y accomplir la prière ou d'y enterrer nos morts. Au moment où le soleil se lève, jusqu'à ce qu'elle s'élève. Au moment où le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève. Dans une autre version, dans d'autres hadiths, le Prophète a dit jusqu'à ce que le soleil se lève. De la taille d'une distance égale à la taille d'une lance. D'une lance qui était utilisée comme arme au temps du prophète alayhi sallam. Et les savants ont défini cette distance comme étant à peu près 1 mètre. Les lances sont connues au temps du prophète sallam comme ayant une longueur de 1 mètre. Et c'est un laps de temps qui est très court. Car c'est le moment où le soleil se lève jusqu'à ce qu'il s'élève d'à peu près 1 mètre. Et les savants disent, comme Cheikh Ibn Taymiyyah et d'autres, que c'est un temps qui est très court, qui est estimé entre 10 et 15 minutes. Au moment où le soleil se lève, il faut attendre 10 à 15 minutes avant de pouvoir faire une nafila. C'est un temps qui est interdit, où il est interdit d'y accomplir la prière. On peut se fier au calendrier quand il est shuruq. Shuruq, c'est le moment où il se lève. Tolou' al-shams. Mais on a dit, le Prophète sallam a dit, hina tatlu' al-shams baziratan hatta tartafi', jusqu'à ce qu'elle s'élève. Donc le fait que le soleil se lève ne suffit pas pour autoriser à faire une prière. Mais il faut attendre que le soleil se lève, mais qu'il s'élève. Mais il y a le formule sunnah. Après, on va citer les prières qui sont autorisées à faire même pendant ces périodes. Oui, le fable, le fable obligé. Le fable, il faut la faire toujours. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. قائم الظهيرة. قائم الظهيرة. Les savants ont donné beaucoup d'explications sur قائم الظهيرة. Certains ont dit, c'est, يعني, si on traduit قائم الظهيرة textuellement, ça veut dire jusqu'à ce que se lève, ou au moment où se lève celui qui est debout pendant l'heure de Al-Bahira, pendant l'heure du zénith. Et les savants ont dit حتى يقوم قائم الظهيرة, c'est-à-dire qu'au moment où le soleil approche le zénith, il y a un temps où il n'y a pas d'ombre. Et le soleil, lorsqu'il se lève, on sent que le soleil bouge, on sent que l'ombre de la chose augmente. Elle augmente jusqu'à arriver au zénith. Au zénith, il y a un temps, un laps de temps où il n'y a pas d'ombre. Et ensuite, lorsque le soleil commence son déclin, l'ombre de la chose commence à grandir jusqu'au coucher du soleil. Et pendant ce laps de temps du zénith, on a l'impression que le soleil s'arrête. Les savants ont dit, on a l'impression que le soleil s'arrête alors qu'il ne s'arrête pas. Le soleil ne s'arrête pas. Il est toujours en train de monter et de descendre. Mais pendant ce laps de temps, on a l'impression que le soleil s'arrête, alors qu'il ne s'arrête pas. Donc, comme si quelqu'un était debout, était figé. D'où le terme qa'im al-zahira. Et d'autres savants ont dit, qa'im al-zahira, c'est la chamelle lorsqu'elle se lève, au moment du zénith. Parce que c'est le moment de la journée où il fait le plus chaud. Et à cette heure de la journée, les chameaux se lèvent. Pourquoi ? Car le sol est trop chaud. Et par la chaleur du sol, les chamelles se lèvent. Donc les savants disent hada qa'im al-zahira. À la tous les hal, hina yaqum qa'im al-zahira, c'est-à-dire lorsque le soleil est au zénith. Hatta tamil al-shams, jusqu'à ce que le soleil commence jusqu'à ce que le soleil commence le déclin. Donc il est interdit de faire une prière pendant ce laps de temps, pendant le moment où le soleil est au zénith. Et lorsque le soleil commence sa descente vers le coucher, jusqu'à ce que le soleil commence sa descente vers le coucher, yani un peu avant le coucher du soleil. Et ce temps, il peut être long, Allah a'lam, j'ai pas la connaissance de. Du temps de Zawal, le temps où il n'y a pas d'ombre, Allah Ta'ala. De même que pour le temps avant le coucher du soleil, à combien s'estime Allah Ta'ala. Je sais que les savants ont estimé le premier temps entre le lever du soleil et le moment où il s'élève près de la roche, d'un mètre à peu près. Donc on dit limite à quart d'heure. Pour le reste, j'ai pas entendu ni vu la lexication des savants ou la définition en temps de ces laps de temps. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله لعامر بن عبسة صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ يسجر جهنم. فإذا أقبل الفي فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. حديث صحيح رواه مسلم. Et le prophète alayhi salatu wa salam a expliqué la cause, le pourquoi de l'interdiction d'effectuer des prières pendant ces horaires bien définis. Et le prophète alayhi salatu wa salam a expliqué cela dans le hadith rapporté par Muslim, hadith Amr ibn Abasa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est une partie du hadith qui est très long, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit salli salat al-subh, prie la prière du subh, puis abstiens-toi de la prière jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève. Shina hatta tatlu'u ash-shams hatta tartafi'. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prie la prière du subh, puis abstiens-toi de prier jusqu'à ce que le soleil se lève et jusqu'à ce qu'il s'élève. Shina tatlu'u shina tatlu'u bayna qadri ash-shaytan. Car le soleil, lorsqu'il se lève, il se lève entre les cornes du diable. Et à ce moment, les mécréants se prosternent. Se prosternent devant le soleil. À notre époque, il y a toujours des personnes qui adorent le soleil et qui s'y prosternent le matin et le soir. Puis le prophète Al-Sotel lui a dit, puis prie, car la prière est mashhudatun mahdura. La prière, elle est prise comme témoignage et les anges y assistent. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de faire les prières, de prier autant qu'il le veut après que le soleil se soit levé et élevé. Summa salli, fa inna salata mashhudatun mahdura. Puis prie, c'est-à-dire prie ce que tu veux comme prière, car la prière en général, elle est assistée des anges. حتى يستقل الظل بالرمح jusqu'à ce que l'ombre diminue et soit jusqu'à ce que l'ombre diminue et soit inexistante. Autrement dit, jusqu'à ce que le soleil atteint son zénith. يستقل الظل أي لا يظهر الظل. Puis abstiens-toi de la prière, car à ce moment c'est à ce moment que le feu de l'enfer est au plus chaud. حين إذن تسجر جهنم أي توقد إيقابا بالغا comme a dit l'imam al-Nawawi. C'est à ce moment que l'enfer est chauffé très fort. C'est à ce moment où l'enfer est le plus chauffé à l'heure de Zawal, d'où le fait qu'il soit interdit d'y faire la prière. فإذا أقبل الفي فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. Et lorsque tu vois الفي, les savants ont dit الفي, c'est l'ombre qui apparaît juste après le zénith, juste après le déclin du soleil du zénith. الفي, c'est l'ombre qui apparaît juste après le zénith. En arabe, c'est appelé al-fay. Et en vril, c'est l'ombre qui apparaît avant et après le zénith. Juste après le zénith, c'est al-fay. Après al-fay, c'est avril. Et avant al-zawal, c'est avril en arabe. Quand on parle de fay, c'est un terme bien précis qui veut dire l'ombre qui vient juste après le déclin du soleil du zénith. فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْدُورَةٌ. Et lorsque tu vois apparaître le feu, c'est-à-dire l'ombre, lorsque le soleil commence son déclin, alors prie, car la prière est assistée par les anges. حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ, jusqu'à ce que tu pries l'asr, puis abstiens-toi de la prière jusqu'à ce que le soleil se couche, car le soleil se couche entre les cornes du diable, et à ce moment, les mécréants s'y prosternent, c'est-à-dire se prosternent devant le soleil.